d'un chant triste et clair. Au puissant alcool vert qui s'écoule dans un râle entre des pavés sales. D'argent aux cheveux au fil des ans, aux molles gouttes de sang qui se figent en coulées aphasiques lorsque s'éteint la musique. À la caresse des vacances, au rire de l'enfance, sonne cloche fêlée, les mémoires harassées, aux lèvres embrassées, les nuits ivres de vacances, à leur goût qui fermente, à la braise envoûtante, qui radie la main du poète, au point d'une rime muette. Amulettes qui pendent au cou des guerriers d'un peuple sacrifié, aux mélodies oubliées qui emplissent parfois l'air de si étranges éclairs. D'avoir trop gonflé ses voiles. À toi, sombre étoile, qui arrache à la plume